Olivier. De toute façon, on y passe tous dans le conseil de classe. On est tous plein de stress avant le conseil de classe. C'est bordel dans nos classeurs. Désolé, monsieur le proviseur. Regarde mon sarrasé pour la fête de fin d'année. De toute façon, on y passe tous dans le conseil de classe. On est tous plein de stress avant le conseil de classe. C'est bordel dans nos classeurs. Désolé, monsieur le proviseur. Regarde mon sarrasé pour la fête de fin d'année. Le directeur parle mal aux élèves conseil de classe. Il me dit faut pas dormir en cours, faut que tu dormes tôt le soir. Mais je lui ai dit que j'étais au lit à 21h. Alors, petit biscuit au chocolat, j'ai surnommé le directeur. La prof de vote me demande comment fais-tu pour éclairer en dormant. Je ne dors pas car mon truc est de 6 ans. Si bien j'ai décidé de la surnommer Madame Malvent. La prof d'histoire me dit arrête d'écrire dans ton journal intime. C'est juste mon agenda, mais ce n'est pas un journal intime. Franchement, le prof de maths m'énerve trop. Il me tape sur les nerfs et ses cours me rendent barjo. Il est tellement fort en maths qu'il n'a pas besoin de sa casio. Bon, vous allez me prendre votre livre de mathématiques, page 23, me faire l'exercice 3B et rapidement et ensuite. De toute façon, on y passe tous dans le conseil de classe. On est tous plein de stress avant le conseil de classe. C'est bordel dans nos classeurs. Désolé, monsieur le proviseur. Regarde mon sarrasé pour la fête de fin d'année. De toute façon, on y passe tous dans le conseil de classe. On est tous plein de stress avant le conseil de classe. C'est bordel dans nos classeurs. Désolé, monsieur le proviseur. Regarde mon sarrasé pour la fête de fin d'année. Écoute-moi, monsieur petit biscuit au chocolat. Je t'écris ce petit texte. Tu me dis d'arrêter de rapper. Car t'aimes pas le rap. Tu me suis mise à rapper. Maintenant, tu peux plus m'arrêter. Je vais organiser un concert dans ton lycée. Je dirai à tous mes potes de Grenoble de rappliquer. Fais gaffe à tes fesses, ça va piquer. Bonjour mademoiselle Amanda, ça y est, l'année scolaire est terminée? Oui, j'attends mon dernier examen. Alors, la fin de l'année n'a pas été trop difficile avec toute la médiatisation de ta vidéo? Si, mais j'essaie de faire les deux quand même. Et pour l'instant, ce sont bientôt les vacances. Très bien, alors bon courage mademoiselle et bonnes vacances. Alors tu commences à aimer le rap? Tu croyais que t'as dû passer à la trappe? T'inquiète, moi je sais, je suis capable. Autant que d'avoir ton capa et je ferai ma carrière de rappeuse. Je te mets un mot de veilleuse. De toute façon, on y passe tous dans le conseil de classe. On est tous plein de stress avant le conseil de classe. C'est bordel dans nos classeurs. Désolé, monsieur le proviseur. Regarde mon sarrasé pour la fête de fin d'année. De toute façon, on y passe tous dans le conseil de classe. On est tous plein de stress avant le conseil de classe. C'est bordel dans nos classeurs. Désolé, monsieur le proviseur. Regarde mon sarrasé pour la fête de fin d'année. De toute façon, on y passe tous dans le conseil de classe. On est tous plein de stress avant le conseil de classe. C'est bordel dans nos classeurs. Désolé, monsieur le proviseur. Regarde mon sarrasé pour la fête de fin d'année.